Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'archipel du Goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Il arrive souvent d'associer une figure littéraire à une période décisive de l'histoire d'un pays, d'un État ou d'une civilisation. On pense à l'Italie de Dante, à la Grèce d'Homère, à l'Espagne de Cervantes, à l'Angleterre de Shakespeare ou encore à la France du grand Hugo. Ces légendes, véritables hommes siècles, embrassent à travers leurs œuvres une destinée commune. De son côté, la Russie a Tolstoï, mais elle a aussi Solzhenitsyn. Parce qu'entre les deux, elle a connu la révolution de 1917, le grand basculement dans l'ère communiste et les terribles dérives du totalitarisme soviétique. C'est justement ce système, ce pouvoir étatique absolu qu'Alexandre Solzhenitsyn toise, attaque de plein fouet et fait vaciller avec l'archipel du Goulag. Il est de ces livres qui changent le monde. Ils sont rares, mais ils surgissent avec une telle force, une telle puissance qu'ils ébranlent le cours de l'histoire. L'archipel du Goulag, publié en 1973, appartient indéniablement à cette catégorie. Notre invité aujourd'hui, Georges Niva, universitaire, il a co-dirigé avec Michel Aucouturier Lern Solzhenitsyn, ouvrage paru en 1971, Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparé aujourd'hui par Simon Mézanob, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet, Coyen Guyen et Jérôme Chelius. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. 9 février 1945, Orneta, petite ville du nord-est de l'actuelle Pologne. L'avancée des troupes soviétiques s'accélère. De ce côté du front, elles viennent de percer les lignes allemandes et foncent sur Königsberg. L'armée hitlérienne est aux abois. Ce jour-là, le capitaine Solzhenitsyn est convoqué au quartier général. Dans la pièce, il fait face à son commandant, mais aussi à deux autres agents. Le jeune officier devine immédiatement qu'ils appartiennent au SMERSH, cette unité spéciale des services secrets soviétiques chargée d'arrêter les traîtres et les espions de l'armée rouge. On lui demande de remettre son pistolet, les agents lui arrachent ses insignes, il est arrêté. Interloqué, Alexandre Solzhenitsyn demande une explication. Le commandant lui fait comprendre que sa correspondance avec son ami Nikolaï Vitkevitch a été interceptée. Dans ses lettres, il critique la politique de Staline et ses errements militaires. À grands coups d'ironie et de surnom, le caïd, sa grandeur ou l'égocrate, l'homme fort de l'URSS en prend pour son grade. Dans leurs échanges, les deux hommes rêvent de l'après-Staline, des possibles réformes à mener. Il n'en faut pas plus à l'État soviétique, bien sûr, pour les considérer comme organisation contre-révolutionnaire. Ce 9 février 1945, Alexandre Solzhenitsyn commence sa deuxième vie, celle de zec, de détenu. Derrière lui, il laisse sa première existence, du jour au lendemain, une existence d'un jeune russe né dans une famille paysanne du Caucase, élevé par sa seule mère. Existence du jeune communiste qui mène des études brillantes de mathématiques et de physique jusqu'à devenir enseignant près de Rostov. Existence enfin du simple soldat de l'armée rouge devenu capitaine, deux fois blessé, deux fois décoré. Ce 9 février 1945, Alexandre Solzhenitsyn entame un calvaire de 11 années qui le mène des prisons du NKVD au camp de concentration soviétique, ces camps de travail forcé qui parsèment l'ensemble du territoire russe où sont envoyés depuis Lénine les opposants, ou supposait-elle, de l'Union soviétique. À partir du milieu des années 30, avec les grandes purges staliniennes, le Goulag connaît un essor terrible jusqu'à compter près de 2 700 000 détenus. Plongé dans cet enfer de glace où le froid, la faim et la surveillance sont difficilement imaginables, Solzhenitsyn survit, observe et écrit de tête. Oui, la mémoire remplace le papier et l'encre. Quelques semaines avant la mort de Staline, le 5 mars 1953, il est finalement libéré. Une libération en forme d'illusion, puisqu'il est d'abord relégué, c'est-à-dire contraint de vivre dans un village d'Asie centrale. Là, pendant 3 ans, il reprend son métier d'instituteur et commence, dans le plus grand secret, à écrire ses premiers ouvrages. Après avoir miraculeusement vaincu une tumeur cancéreuse, il est réhabilité en 1956. C'est la fin du calvaire. 1956, c'est aussi l'année de l'arrivée de Khrouchtchev à la tête du Parti communiste soviétique. Une nouvelle période s'ouvre en URSS et dans la vie d'Alexandre Solzhenitsyn, comme si déjà les destins de l'écrivain et de son pays étaient liés irrémédiablement. Que serait devenu le parti, le pays sans l'abolition du culte de la personnalité? Ces effets néfastes ont été dépassés. Les principes léninistes rétablis au sein du parti. Sans ça, le parti risquait de s'éloigner des masses, du peuple. La démocratie soviétique risquait d'être mise à mal. Le développement économique et l'avènement du communisme d'être ralenti. Les travailleurs en auraient donc pâti. 17 octobre 1961, Moscou. À la tribune du 22e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, Nikita Khrushchev persiste et signe. 5 ans après sa nomination comme premier secrétaire, il fait le bilan de la déstalinisation, cette politique inaugurée à son arrivée au pouvoir, qui dénonçait la répression stalinienne, son culte de la personnalité et qui promettait d'assouplir le contrôle et la propagande d'État. Quelques semaines après ce discours, au siège du Novy Mir, une célèbre revue littéraire soviétique, un bien étrange manuscrit arrive sur le bureau du rédacteur en chef, Alexandre Tarfovsky. Dans une pochette cartonnée, il y a les feuillets imprimés recto-verso, sans marge, ni interligne. Les textes ne sont pas signés, mais regroupés sous un même titre énigmatique, CHTCH 854. Dans la nuit, Alexandre Tarfovsky se plonge dans ce récit qui raconte une journée d'Ivan Denisovitch, prisonnier d'un camp de travail soviétique. Le style est fort et singulier. Il reprend le vocabulaire typique des zecs et raconte en détail les terribles conditions de vie des camps de l'époque stalinienne. C'est là, à l'appel du soir, quand ils rentrent par le portail du camp, que les détenus sont le plus battus par le vent, gelés, affamés de toute la journée. Et pour eux, la louche de soupe aux légumes, brûlante du soir, c'est comme la pluie dans le désert. Ils l'avalent d'une goulée. Pour eux, cette louche est plus précieuse que la liberté, plus précieuse que toute leur vie passée et que toute leur vie à venir. Quand ils franchissent les portes du camp à leur retour, les détenus sont comme des guerriers rentrant d'une campagne. Ils donnent de la voix, ont la démarche ferme, le geste large. Écartez-vous tous, c'est nous. Ce que vous venez d'entendre, ce sont les lignes du premier roman d'Alexandre Solzhenitsyn. Après avoir entendu le discours de Khrushchev au 22e congrès, l'ancien zec s'est dit que le moment était venu de rendre public ce texte écrit en quelques mois après sa sortie des camps. Une centaine de pages dans lesquelles il raconte à travers cette journée d'Ivan Denisovitch, détenu immatriculé CHTCH 854, ce qu'il a vécu durant ses années de bagne. Pour Alexandre Tarfovsky, c'est clair, il tient là un grand écrivain et il n'a plus qu'une idée en tête, publier cette œuvre. Voilà une bonne occasion de tester finalement le dégel khrouchtchevien. Le rédacteur en chef entame un véritable parcours du combattant. Il faut réussir à faire passer cet ouvrage au sein de l'organigramme du parti jusqu'à atteindre Khrouchtchev lui-même pour qu'il le valide. L'affaire est délicate. Le récit de Solzhenitsyn ne fait aucune concession. Il aborde frontalement la réalité des camps, cette tache noire de la politique soviétique. Finalement, Alexandre Tarfovsky réussit à rencontrer Khrouchtchev. Le premier secrétaire lit le texte. Il en donne un exemplaire aux autres dirigeants du parti, mais il a déjà pris sa décision. Le 20 octobre 1962, un an après, il autorise, oui, il autorise la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch incroyable. En novembre, le numéro 11 de la revue Novy Mir publie donc le roman d'Alexandre Solzhenitsyn. Le livre paraît dans la foulée et c'est une déflagration en URSS. Devant les kiosques à journaux, quand on ne connaît pas le nom de la revue, on demande... celle où toute la vérité est écrite, vous savez. Dans les bibliothèques, on s'inscrit sur liste d'attente pour emprunter le livre. La parole des anciens prisonniers se libère, à l'étranger aussi. La publication du roman de Solzhenitsyn est un coup de tonnerre. Il suffit d'écouter la présentation de l'ouvrage par le célèbre chroniqueur littéraire de l'époque, Max-Paul Fouché, dans l'émission Lecture pour tous, pour prendre la mesure de l'événement. Comment parler de ce livre? Pour en bien parler, pour en justement parler, il faudrait avoir vécu ce qu'a vécu l'auteur. C'est l'expérience des camps de concentration soviétiques, plus exactement. Mais disons tout d'abord que ce livre est un événement. Il a paru et immédiatement eut un énorme retentissement. Pour la première fois, une œuvre littéraire dénonçait certains crimes du stalinisme. Jamais peut-être un texte ne mettait ainsi noir sur blanc devant ses lecteurs l'horreur des camps de concentration en Russie soviétique. Commence alors, pour Alexandre Solzhenitsyn, le début d'une troisième vie, celle de l'écrivain. Il démissionne de son poste d'instituteur et intègre l'Union des auteurs soviétiques. À la suite de la publication d'une journée d'Ivan Denisovitch, il reçoit des milliers de lettres, la plupart du temps de la part d'anciens détenus qui lui racontent leurs expériences. À mesure que ces témoignages s'accumulent, l'idée germe chez Soljenitsyne d'écrire un ouvrage sur l'histoire et le système des camps soviétiques. Il commence à travailler en secret sur ce projet à la frontière de la littérature et de l'histoire. En secret, car politiquement, sa situation se complique, surtout à partir du 16 octobre 1964. Ce jour-là, l'Occident apprend une nouvelle inattendue par un message radiophonique de l'agence soviétique TASS. Moscou. Léonid Brejnev est élu premier secrétaire du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique. Alexei Kosygin est nommé président du Conseil des ministres de l'Union soviétique. Ceci est annoncé dans les communiqués officiels du plénum du comité central du Parti communiste de l'Union soviétique et de la réunion du Présidium du Soviet suprême de l'URSS, publiée dans la Pravda. Nikita Khrouchtchev est limogé, Léonid Brejnev lui succède, et c'est la fin du dégel. La censure reprend de plus belle, et Soljenitsyne est l'une des premières victimes. Il se voit refuser la publication de deux romans, Le Premier Cercle et Le Pavillon des Cancéreux. La surveillance de l'écrivain par les autorités est de plus en plus pressante. Un jour de 1965, la police secrète perquisitionne son appartement et lui vole des manuscrits. Alexandre Soljenitsyne entre en clandestinité littéraire. Elle le mène jusqu'en Estonie où il se réfugie pour écrire deux hivers de suite dans ce qu'il appelle son repère. Une maison perdue au milieu des bois, prêtée par des amis. L'entreprise est absolument gigantesque. Ses notes sont dispersées dans différentes caches. Il n'est jamais en présence de l'œuvre complète. Alors à chaque fois, il doit ruser pour éviter la surveillance des autorités. Il reçoit l'aide de ceux qu'il appelle les invisibles, des hommes, des femmes, souvent d'anciens détenus, qui l'hébergent, le relisent, tapent ses manuscrits. Ensemble, ils forment un réseau de résistance singulier, tous dédiés à l'écriture d'un livre exceptionnel, L'archipel du Goulag. Pendant ce temps, la campagne de déstabilisation de l'écrivain continue. Soljenitsyne ne se laisse pas faire. Il joue un double jeu. D'un côté, l'écrivain clandestin qui se cache pour écrire. De l'autre, l'opposant public. Le 16 mai 1967, il adresse une lettre à l'Union des écrivains soviétiques dans laquelle il dénonce l'arbitraire de la censure et les menaces qui pèsent sur la liberté d'expression. La lettre est publiée en Occident. En réponse, l'écrivain fidèle au régime, Mikhail Cholkov, s'attaque sans le nommer à Alexandre Soljenitsyne. Autre cas de figure, arrive un écrivaillon qui publie une chose chez nous et son contraire à l'étranger. Il se sert de la même langue russe, dans un cas pour se dissimuler, dans l'autre pour la salir avec sa haine du soviétique, de tout ce qui nous est cher et sacré. Comment réagir face à ces traîtres qui insultent nos idéaux? La sagesse populaire dit « Chaque famille a son monstre ». Mais il y a monstre et monstre. J'ai honte pour ceux qui aident les renégats, qui intercèdent pour eux ou qui s'en portent garant. Je m'adresse aussi aux protecteurs occidentaux de ces pamphlétaires. Rassurez-vous, la critique existe chez nous. Nous la soutenons et la développons. On l'entend avec acuité lors du congrès actuel, mais la calomnie n'est ni de la critique, ni même de l'art. Malgré les menaces, en 1968, Alexandre Soljenitsyne vient à bout de l'archipel du Goulag. Bien, reste à le protéger. Alors il sauvegarde le manuscrit sur microfilm et attend l'occasion de le faire passer à l'Ouest. Et elle se présente vite. En juin, un interprète de l'UNESCO, Sacha Andreev, accepte de transporter le précieux bagage en Europe pour le remettre à l'avocat suisse de Soljenitsyne, maître Fritz Hebb. Placé dans une boîte de caviar, glissé dans du matériel technique, l'archipel du Goulag voyage sans encombre jusqu'en Occident. L'écrivain décide d'attendre avant de le publier, car il le sait, cette œuvre, c'est un point de non-retour, c'est une bombe à retardement. En novembre 1969, Alexandre Soljenitsyne est exclu de l'Union des écrivains soviétiques. Ses ouvrages sont retirés des bibliothèques. Son nom s'ajoute à la liste des dissidents. Quelques mois plus tard, il reçoit le prix Nobel de littérature, mais il décide de ne pas se rendre à la remise de prix. Il sait très bien que les autorités ne le laisseront jamais revenir à Moscou. Alexandre Soljenitsyne préfère l'exil intérieur, dans son propre pays. Avec le prix Nobel, la surveillance s'accroît, les menaces s'intensifient, notamment sur ses collaborateurs de l'ombre. Le 4 août 1973, à Leningrad, tout bascule. Elisabeth Voronianskaya, l'une des invisibles, est arrêtée. Emprisonnée, elle est interrogée et torturée sans relâche par les agents du KGB. À bout de force, après 5 jours et 5 nuits de détention, elle finit par avouer. Elle détient bien un exemplaire du manuscrit d'Alexandre Soljenitsyn. Elle indique à ses bourreaux l'endroit où elle l'a caché. Pour Soljenitsyn, c'est le moment de passer à l'action. Le 23 août, il donne une longue interview à Associated Press et au journal Le Monde, la guerre est officiellement déclarée. Le lendemain, le 24 août 1973, Elisabeth Voryanskaya se suicide. Le moment est donc arrivé, il ne peut plus faire marche arrière, il faut publier l'archipel du Goulag à l'étranger. Я помню тот Ванинский порт. И виды пароходов угрюмы, как шли мы по трапу на борт в холодные мрачные трюмы. От качки стонали зэка, обнявшись, как родные братья, и только порой с языка срывались глухие проклятия. А утром растаял туман, утихла пучина морская, восстал на пути Магадан, столица Колымского края. Avec le dernier livre de l'auteur soviétique Soljenitsyn, l'archipel Goulag, ceci est l'affaire d'un tabou. Rarement ouvrage aura suscité autant de polémiques, d'un secret d'État, et cela même avant qu'il ne soit traduit en français. Le témoignage de Soljenitsyn est d'autant plus essentiel, vous comprenez. On ne peut rester indifférent à cet événement d'abord littéraire et naturellement politique que constitue la publication en France du livre d'Alexandre Soljenitsyn, l'archipel Goulag. Il y a une question que les hommes se posent. Comment cela a-t-il pu m'arriver? Comment me suis-je laissé faire? Et il leur répond, lui, Soljenitsyn, ben moi aussi ça m'est arrivé. Avec l'archipel des goulags qui ne figure sur aucune carte, Soljenitsyn dénonce l'enfer du stalinisme et les camps d'internement où des millions de Russes ont perdu la vie entre 1918 et 1956. Cette nouvelle accusation fait déjà beaucoup de bruit, même dans les pays où l'on classerait volontiers à droite ou à l'extrême droite Soljenitsyn, et elle confirme la polémique entre ceux qui ont toujours cru au système pénitentiaire en URSS et à ceux qui n'y ont pas cru. Le 30 décembre 1973, la nouvelle fait le tour des rédactions en France et bientôt dans le monde entier. Le nouveau livre d'Alexandre Soljenitsyn, l'archipel du Goulag, est publié en russe à Paris. Quelques mois auparavant, l'écrivain avait enclenché la machine. Après le décès d'Elisabeth Voronianskaya, il prévient son avocat Fritz Herb qu'il va lancer la publication de l'ouvrage. Ce dernier rencontre Paul Flamand et Claude Durand des éditions du Seuil à la Foire du Livre de Francfort. Il leur remet le microfilm de l'archipel du Goulag. Les deux hommes sont intrigués. Un nouveau livre de Soljenitsyn écrit depuis plusieurs années, dont ils n'ont jamais entendu parler. Étrange. Le manuscrit est ensuite confié à Nikita Struve des éditions Igma Press à Paris. Peu de personnes sont mises dans la confidence, mais le bruit commence à courir. Alors ils décident d'avancer la publication. Quelques jours seulement après l'apparition du premier des trois tomes, des exemplaires sur papier bible circulent déjà à Moscou via les fameux réseaux clandestins des Samizdat qui diffusent les œuvres dissidentes en Russie. très rapidement, le texte est lu sur les radios Free Europe, Liberté, capté par certains soviétiques. Alors, que raconte ce livre? Qu'a-t-il de si sensible? Rien de moins que l'immense témoignage collectif des victimes des camps de travail forcés en URSS. Le titre de l'ouvrage impose une image autant qu'un mot, l'archipel. C'est la métaphore de ces milliers de cellules, de prisons, de camps qui jonchent le territoire russe. Le goulag, c'est la contraction de l'organisme qui gère cette structure infinie. Voici un extrait de la deuxième partie, intitulée « L'extermination par le travail ». Si on avait demandé pendant la guerre à un pensionnaire des camps quel était le but suprême, ultime et totalement inaccessible de son existence, il aurait répondu « une fois, une seule fois, manger du pain noir à gogo, après on peut mourir ». On n'a pas enterré dans les camps moins de monde qu'au front. Komogor fut employé pendant tout l'hiver 41-42 dans l'équipe des faiblards, au facile travail que voici. Empaqueté deux par deux, dans des caisses à claire-voie faites de quatre planches, des cadavres nus placés tête bêche, à raison de 30 caisses par jour. Si sept époques de camp disputent devant vous à qui était la pire pour l'homme, accordez vos faveurs à l'époque de la guerre. On dit aussi, qui n'y a pas été pendant la guerre ne sait pas ce qu'est un camp. À travers ce qu'il définit comme un essai d'enquête littéraire, Alexandre Solzhenitsyn construit un véritable poème documentaire. L'écrivain se fait ethnologue pour décrire ce peuple des zecs confronté à la violence d'État. Dans un souffle épique et dévastateur, c'est le récit de trois générations sacrifiées que décrit Solzhenitsyn. Il devient alors le porte-voix des silencieux, notamment de ses 227 témoins contributeurs à qui il rend hommage en préface du livre. La composition de ce livre dépassait les forces d'un seul homme. Outre ce que j'ai emporté avec moi en quittant l'archipel, dans ma peau, dans ma mémoire, dans mes yeux et dans mes oreilles, la documentation qui m'a servi pour ce livre m'a été fournie sous forme de récits, de souvenirs et de lettres par 227 personnes. Je ne leur exprime pas ici de gratitude personnelle. Ceci est le monument commun que nous élevons d'un seul cœur à la mémoire de tous les suppliciés et de tous les assassinés. S'il faut encore attendre longtemps avant que la lumière de la liberté brille dans notre pays, on courra un grand danger à lire et à transmettre ce livre. Je dois donc également saluer avec reconnaissance ces lecteurs à venir, de la part des autres, de ceux qui ont péri. L'archipel du Goulag n'est pas la première œuvre consacrée aux camps soviétiques. D'autres écrivains et historiens, russes ou étrangers, ont déjà abordé le sujet. Pourtant, la déflagration provoquée par le livre de Solzhenitsyn est sans commune mesure. Deux raisons expliquent cette rupture. La première tient à son auteur et à la forme même de l'œuvre, la cohérence du récit, de l'architecture, qui entremêle tous ces témoignages patiemment assemblés. La seconde tient au contexte international de la publication. L'époque est plus ouverte, la détente est en marche. En Occident, l'archipel est un virage politique et philosophique considérable. La responsabilité de Lénine dans la mise en place des camps est ouvertement dénoncée. Les camps de concentration soviétiques sont comparés aux camps nazis. L'œuvre de Solzhenitsyn devient la preuve flagrante des dérives totalitaires de l'URSS. En France, l'impact du livre est particulièrement fort et il bouscule la gauche. Un an seulement après la signature du programme commun entre le Parti socialiste et le Parti communiste, ces révélations sur la politique soviétique cristallisent les tensions entre les deux grands partis. Les communistes français, toujours solidaires du grand frère soviétique, n'hésitent pas à attaquer le livre Solzhenitsyn, un livre réactionnaire, selon eux. Comme le dit leur leader, à l'époque, Georges Marchais, en plein meeting, le 20 janvier 1974. Dans ce livre, l'auteur russe évoque des faits que le Parti communiste de l'Union soviétique a lui-même dénoncés publiquement il y a près de 20 ans et auxquels il a mis un terme. Mais le livre de Solzhenitsyn constitue en même temps une agression si violente, si haineuse contre le socialisme, que l'auteur va jusqu'à justifier le comportement d'un ex-général soviétique passé au service de Hitler et dont l'armée s'est rendue coupable des pires exactions. L'Union soviétique, c'est le pays où il n'y a pas de crise, c'est le pays où les théâtres, les salles de concert, les bibliothèques sont les plus fréquentées du monde. L'Union soviétique, c'est le pays où l'on peut circuler tranquillement à toute heure du jour ou de la nuit sans risquer de se faire tirer dessus par les gangsters ou les policiers. Chez les socialistes aussi, on a du mal à se positionner. François Mitterrand s'en sort grâce à son exceptionnelle intelligence. Interrogé sur le sujet, il répond que le plus important n'est pas ce que dit Solzhenitsyn, mais qu'il puisse le dire. Les intellectuels français aussi s'affrontent. L'archipel du Goulag est un moment décisif dans l'émergence du courant des nouveaux philosophes, emmené par Bernard-Henri Lévy ou André Glucksmann. Sur les plateaux télévision, dans les journaux, par éditoriaux interposés, on s'affronte. D'un côté, l'archipel devient le témoignage criant de la barbarie moderne de l'État soviétique. De l'autre, on dénonce l'anticommunisme primaire provoqué par cette publication. Les autorités soviétiques, elles, ne tardent pas à réagir. La Pravda s'en prend à l'écrivain. Dans un long article intitulé « Le chemin de la trahison », le journal raille l'auteur. Ils font circuler de fausses rumeurs sur son compte, sollicitent son ex-femme Natalia Reteshovskaya, qui dresse un portrait à charge contre son ancien mari. À l'ouest, les dignitaires russes se relaient pour dénigrer l'écrivain, comme le député du Soviet suprême Yukov, face à Jean-Pierre Elkabbach. Pour moi, c'est mon ennemi personnel, pour les soviétiques aussi. Vous savez bien que l'opinion publique est condamnée, cet homme. Pas pour ses qualités littéraires. Non, parce qu'elle elle n'a pas lu son livre. Si, on a lu ses œuvres qui étaient publiées en Union soviétique. C'est un écrivain, je ne dirais pas que c'est un grand génie, que le deuxième Tolstoï, comme écrit certains gens à l'étranger, mais c'est un écrivain. Solzhenitsyn s'attend à être expulsé. D'autres pensent qu'il est en train de se transformer en martyr puisqu'il ne veut pas quitter le pays. Qu'est-ce qui va lui arriver? Au contraire, il voudrait bien devenir martyr, pour qu'on pourra faire une nouvelle campagne anti-soviétique, etc. Mais justement, on n'y donne pas cette possibilité. Je pourrais dire seulement une chose, c'est que l'opinion publique les condamne sévèrement, et je reçois, comme un homme qui mène le programme à la télévision, des centaines de lettres, 200 lettres par jour, qui les condamnent. En réalité, le Politburo est particulièrement gêné par le cas Solzhenitsyn. La pression internationale empêche toute action, que ce soit le renvoi au goulag ou l'assassinat pur et simple. Andropov, le chef du KGB à l'époque, choisit la solution du bannissement. Il sait que l'exil forcé atteindra profondément Alexandre Solzhenitsyn, si attaché à la terre russe. Finalement, le 12 février 1974, quelques semaines seulement après la publication de l'archipel du goulag, l'information tombe. Solzhenitsyn a été arrêté cet après-midi par les policiers qui l'ont emmené de force pour l'interroger. La belle-mère du prix Nobel de littérature raconte que 6 hommes, après avoir sonné à sa porte, se sont précipités sur l'écrivain et, dit-elle, ils ont emmené Alexandre avec eux sans ménagement. Solzhenitsyn, ces jours derniers, avait refusé 2 fois de se rendre aux convocations du parquet et c'est là qu'il se trouve ce soir en état d'arrestation. Sur place de Moscou, Daniel Saint-Amand. On peut considérer que pour lui, la fin est proche. La fin, mais quelle fin? L'emprisonnement, l'exil en Sibérie, un procès spectaculaire, probablement pas. Sa volonté désespérée et son intransigeance ont fini par se heurter à celle des autorités. Avec son arrestation par la milice, quelque chose vient de commencer en URSS qui pourrait changer jusqu'à la politique actuelle du gouvernement soviétique dans ses prolongements intérieurs et aussi dans ses rapports avec l'Ouest. Moscou, 12 février 1974. 2 voitures arrivent à la prison de Lefortovo, à l'est de la capitale, avec à bord le prisonnier Alexandre Solzhenitsyn. L'écrivain entre dans le bâtiment, décline son état civil, passe un examen médical, revêt ses habits de prisonnier, puis entre dans sa cellule. Tiens, elles n'ont pas changé les cellules. Curieuse sensation de vivre à 30 ans d'intervalle la même scène. Celle de l'arrestation, comme une boucle qui revient, qui lui a fait l'une des métaphores principales de son œuvre, ces moments charnières où l'histoire se joue. La porte s'ouvre, il est emmené devant le procureur général qui l'inculpe pour trahison. Il est déchu de la nationalité soviétique. Dans le couloir, un officier glisse à l'oreille de l'écrivain « Vous allez partir immédiatement ». Il comprend tout de suite qu'il est chassé de son pays. De fait, quelques heures seulement après son arrestation, Alexandre Solzhenitsyn est emmené à l'aéroport. Il prend place dans un avion vide. L'appareil décolle vers une destination inconnue. Après 3 heures de vol, il atterrit. l'écrivain regarde à travers le hublot. C'est Francfort, c'est donc la RFA. Ses surveillants se lèvent, lui glissent un sans-marque en liquide dans la poche et l'invitent à descendre. À peine a-t-il foulé le sol du tarmac que l'avion s'en va. De l'autre côté, 200 personnes l'accueillent avec des applaudissements nourris. Pour l'URSS, c'est la première expulsion d'un dissident depuis celle de Léon Trotsky en février 1929. Quelques heures à peine après son arrivée à Francfort, une agitation inhabituelle gagne les devants de la maison d'Heinrich Böll. L'écrivain allemand accueille son ami Alexandre Solzhenitsyn. Alors toute la presse est là pour entendre les premiers mots de l'auteur russe dont la voix a si longtemps été muselée de l'autre côté du rideau de fer. Solzhenitsyn commence en allemand et termine dans sa langue natale. Sie verstehen, ich bin sehr müde und ich bin besorgt. Besorgt wegen meiner Familie. Ich muss telefonieren nach Moskau. Nur heute am Morgen, ich war im Gefängnis. Сейчас я на русский перейду, кто-то переводит здесь, да? Пожалуйста, переводите. Vous comprenez, dit Solzhenitsyn, d'abord en allemand et puis en russe, je suis très fatigué et je me fais du souci pour ma famille. Je dois téléphoner à Moscou. Encore ce matin, comprenez-moi, j'étais en prison. Je vous remercie, je sais que vous attendez depuis fort longtemps, mais vous comprenez ma situation, je dois m'y habituer. Je ne pourrai pas vous donner d'interview pour le moment et pas non plus demain. Le 13 février 1974, Alexandre Solzhenitsyn entame sa quatrième vie, celle de l'exilé. Longtemps, il pense ne jamais pouvoir refouler la terre russe. Pourtant, en novembre 1989, c'est bien son ami Rostropovitch qui l'entend et voit jouer Bach devant les débris du mur de Berlin. Deux ans après, il assiste à la dislocation de l'URSS. Un mur, un bloc qui s'effondre à deux ans d'intervalle et dont l'une des principales fissures fut bien son archipel du Goulag. Le 27 mai 1994, 20 ans après son départ, l'écrivain retourne sur ses terres. Mais il ne prend pas un vol direct pour Moscou. Non, il décide de rejoindre la Russie par l'Est via Magadan, ancien grand centre de tri carcéral. Pendant un mois, il traverse en train ce territoire si longtemps quitté sur les traces des anciens Zek, ce peuple dont il a révélé l'existence et bâti la mémoire. Bien des années après, un vieil homme appelle Alexandre Solzhenitsyn. C'est un rescapé des camps du régime tsariste. Il explique à l'écrivain qu'il détient de nombreuses archives de cette époque et qu'il cherche à qui les confier. Il veut les conserver pour la Russie. « Russia et Toïa », lui répond tout simplement Solzhenitsyn, ce qui veut dire « La Russie, c'est moi ». Sur l'étal bleu Bac, j'ai vu des chapons, des carapaces d'hameçon s'accrocher. Crête, roc, rouge de Chine, corps de dragon, crêtes épiques. Sur l'étal bleu Bac, j'ai vu le regard de plomb du poulpe polyglotte, glouton. J'ai vu de mes yeux vus des oursins virulents, stridulés en tempo. Sur leurs pointes d'étoiles, en tirant la langue, j'ai vu les rougets du rocher tirer à quatre épingles raides et alertes. Je les ai vus simuler l'indifférence et décamper en cadence. J'ai vu les lapins de garenne singer le saut de mouton dents devant en riant. J'ai vu les pélamides détonidées tout en crawl chromé à vallée crue par les ostréiculteurs, joueurs de banjo, de l'étang, de taux. À leur cou, j'ai vu les moules en grappe applaudir en rythme flamenco. Et vous, je vous vois, de mes yeux, vois. Fermez les yeux. Deux fois, je vous ai vu, de mes yeux vus, défaillir au ralenti. J'ai vu des grenades du jour, des grenades pour l'amour. haricots verts immatures se mangeaient creux dans un hammam enfoui. J'ai vu le jambon du cochon qui a mangé les glands dans la bibliothèque du Vatican. J'ai vu les cèpes s'accoupler en Super 8 dans l'humus du gros chêne de la forêt de Haguenau. J'ai vu le chocolat tenter de me convaincre d'arrêter le homard de la zone avec ses œufs noirs et ses pinces se transformer en une flûte de pan. Je vous vois, de mes yeux voir. Fermez les yeux, deux fois. Je vous ai vu, de mes yeux vus, défaillir au ralenti. J'ai vu des grenades du jour. Des grenades pour l'amour. Vous, je vous ai vu, de mes yeux vus. Aujourd'hui, Alexandre Solzhenitsyn, l'archipel du Goulag. Notre invité, Georges Niva, bonjour. Bonjour. Universitaire, historien des idées, professeur honoraire à l'Université de Genève. Vous êtes aussi traducteur d'Alexandre Solzhenitsyn. Vous avez co-dirigé avec Michel Aucouturier l'Erne Solzhenitsyn. Alors, je rappelle, les carnets de l'Erne sont de grandes monographies blanches qui comptent à ce jour une centaine de numéros consacrés à des figures capitales de la littérature et de la pensée. Et donc, il y avait, et il y a, l'un de ces numéros consacré à Solzhenitsyn. L'ouvrage est paru en 1971. Il a été réédité à l'occasion du centenaire de l'auteur. Et vous avez écrit, Georges Niva, à cette occasion, une nouvelle préface. Alors, signalons également pour nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet, le livre intitulé « L'affaire Solzhenitsyn 1969-1970 », ouvrage publié pour la première fois en 1995, imprimé dans un nouveau format, et toujours à l'occasion du centenaire de l'auteur. Voilà. Alors, en 1971, Georges Niva, donc vous publiez Solzhenitsyn dans la collection L'Erne, alors que l'archipel du Goulag n'est pas encore sorti, nous sommes en 1971, pourquoi lui consacrer un livre? Qu'est-ce que vous sentiez chez cet écrivain-là? Déjà, un grand écrivain ou un grand politique à venir? Quelle était la dimension de Solzhenitsyn avant l'archipel du Goulag? C'était un grand écrivain. C'est la dimension écrivain, naturellement, qui... a déclenché ce premier livre. C'était l'auteur de La journée d'Ivan Denisovitch, mais c'était aussi l'auteur du Pavillon des cancéreux, et du Premier Cercle, ou dans le Premier Cercle. Et ces trois œuvres sont trois chefs-d'œuvre. Le Pavillon des cancéreux est un long récit en deux parties qui traite, si vous voulez, de la violence dans la médecine, c'est-à-dire d'un autre type de violence que la violence politique. Les deux sont liés, puisque nous avons dans ce pavillon un bourreau et une victime, un apparatchik qui s'appelle Roussanov et un râleur, Oleg, qui vient juste de sortir du camp. Échantillon de l'URSS, quoi. C'est même pas une métaphore, c'est un échantillon de l'URSS. On peut considérer ça comme ça. Dans l'affaire Solzhenitsyn, ça commence par des discussions pour savoir faut-il, peut-on, dans notre pays, publier le Pavillon des cancéreux. Il y a quand même une majorité de très bons écrivains soviétiques de l'époque qui pensent que oui, il faut le publier. Ça commence par l'intervention assez courageuse d'un type que j'avais connu, Monsieur Borchakovsky. Et puis il y aura celle de Georgi Vladimov. Tous les deux signalent que la rudesse de cette écriture, la nouveauté de cette écriture, et en même temps la révolte qui est dedans. Alors bien sûr, la métaphore, peut-être que le communisme est la tumeur sur la Russie, il en est question dans cette discussion qui a lieu à l'Union des écrivains. Mais pour être rejeté, parce que, d'abord, il faut bien le dire, si quelqu'un avait eu l'idée de dénoncer le pavillon des cancéreux comme étant une métaphore politique, à l'époque stalinienne, on allait droit au camp. Parce que si tu dénonces quelque chose comme ça, ça veut dire que cette idée-là est capable de germer dans ton cerveau. Par conséquent, et dans celui des autres. Tu es un ennemi du peuple, allez, hop, direction de l'Est. Mais, disons, le débat des malades entre eux, le débat des malades avec les médecins, le débat de l'homme avec sa propre douleur, avec cette tumeur du cancer que l'on essaye d'étouffer avec des rayons X. À l'époque, on vous appliquait des doses extraordinaires de rayons. Ce débat, il est profondément, senti, juste. C'est un livre que les malades d'aujourd'hui ne lisent pas sans émotion. Bien sûr. Donc là, on sent avec déjà tout ça que c'est un grand écrivain, quelqu'un qui va compter énormément. Et arrive donc l'archipel du Goulag en France. Vous dites dans votre préface, là, des cahiers de Lerme, préface écrite en septembre 2018, pour être précis, que Solzhenitsyn a fait passer un exemplaire de l'archipel en 70 à l'étranger, mais que le livre ne paraîtra que plus tard en 73. Bon, vous rappelez ce qu'on a raconté également dans le récit, donc aux petites édition russe et MC à presse, n'est qu'à se trouver à Paris. Vous ajoutez que le livre, une fois édité, est une bombe littéraire et donc extrêmement risqué de le faire circuler, puis le KGB peut faire disparaître des copies. Il y avait donc de grands risques et du courage de la part de Solzhenitsyn et de sa femme Natalia Svetlova. Racontez-nous ces moments quand le livre sort. Qu'est-ce qui se passe? Comment vous le vivez, vous? Bon, rétrospectivement, nous savons que ça fait 3 ans que le livre est prêt, qu'il est à Paris, chez Nikita Struve, aux petites éditions russes de Imka Press sur la montagne Sainte-Geneviève. Et j'ai beau bien connaître à l'époque déjà Nikita Struve et les éditions Imka Press et Ivan Morozov qui à l'époque dirigeait encore Imka Press, avoir traduit Le pavillon des cancéreux et d'autres textes de Alexandre Solzhenitsyn, je ne sais pas à l'époque que l'archipel du Goulag existe. Ouais. Parce que le secret a vraiment été très bien gardé, y compris pour ce qui est de l'impression clandestine en plein Paris dans l'unique et l'ancienne imprimerie en cyrillique de Paris qui est l'imprimerie Bérissniak, fondée en 1911 et qui a publié à peu près toutes les œuvres de Berdiaev et d'autres grands écrivains de l'émigration parisienne russe. C'est clandestinement que le frère de Serge Liffard, qui est Monsieur Léonid Liffard, compose à la main, à la façon de Gutenberg. C'est le dernier des grands livres écrits à la main par l'auteur. Le dernier des moines copistes. Composé à la main par un typographe, qui est Monsieur Léonid Liffard. Tout ça dans la clandestinité parce que, bon, vous savez très bien que les éditions et les imprimeries étaient aux mains de la CGT, enfin, il fallait pas que ça sorte du cercle de la clandestinité. Pour moi, ça a été évidemment passionnant de lire ce livre. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez lu ce livre? Et si vous voulez, j'ai pas ressenti plus qu'au moment de la journée d'Ivan Denisovitch. Parce que quand même, le grand choc, ça a été une journée d'Ivan Denisovitch. J'étais habitué à lire de la prose soviétique. J'étais abonné à la revue Novy Mir. Et brusquement, j'ai reçu ce numéro de novembre 63, dans lequel il y avait, comme l'a dit un poète qui s'appelle Averintsev, toute la vérité. Parce qu'il avait entendu une sorte de SDF soviétique qui demandait à une kiosquière « Dis-moi, est-ce qu'il t'en reste de ce texte ?» Lequel ? Il ne sait pas, mais il dit celui où il y a toute la vérité. Mmh. Il avait en vue le numéro 11 de la revue Novy Mir. Ça a été un choc extraordinaire, de lire dans le langage d'Ivan Denisovitch, qui est un langage rude, dans l'unité les trois unités, disons, du théâtre classique français même, le lieu, le temps et l'action, de lire un récit où vous aviez du lever au coucher, la façon dont un bagnard, et un bagnard qui est un esclave du socialisme, du bolchevisme, vit sa journée. Alors, pourquoi l'archipel du Goulag, puisque finalement tout avait été dit dans la journée d'Ivan Denisovitch, crée-t-il un tel séisme ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une dimension, notamment pour le pouvoir soviétique, qu'est-ce qui fait que l'archipel du Goulag a cette dimension politique si gênante, si difficile pour Moscou ? Alors qu'il avait déjà raconté. Disons, il y a quand même une dimension dans la brièveté d'une journée d'Ivan Denisovitch, il y a une dimension symbolique. Et dans l'archipel du Goulag, cette journée, elle est immensément élargie. Vous avez toute l'histoire de la naissance du bagne, de son développement, de la création du développement de cet archipel d'îles. Oui. Bon, là, vous avez aussi une symbolique poétique, puisque l'archipel, c'est l'archipel grec. C'est sur l'archipel grec que notre civilisation est née. Et par une espèce d'éclat de rire homérique ou rabelaisien, mais il y a les deux chez lui, eh bien, voilà un nouvel archipel qui est en train de naître. Simplement, c'est l'archipel de notre servitude à nous, qui sommes nourris de l'utopie de l'égalité et de la fraternité. Ouais. Voilà ce que ça donne. Et puis, il y a tellement d'aspects dans l'archipel du Goulag qu'il faut le lire et relire pour le bien maîtriser, en particulier l'aspect confession. C'est-à-dire, je n'ai le droit d'accuser que dans la mesure où je me confesse moi-même. Mmh. Cet aspect confession, il est profond. À l'époque, nous ne savions pas encore à quel point le jeune Alexandre Solzhenitsyn avait été un marxiste convaincu. Mais avec, véritablement convaincu, il appartenait aux jeunesses communistes, non pas pour se protéger, si vous voulez, mais parce qu'il était absolument convaincu que la révolution nous projetait dans l'avenir. Alors, il lui a fallu comprendre, se dessiler les yeux, comme il dit. Et ça, ça a été très long. Et vous avez une partie du récit, de la confession, qu'on peut comparer à la confession de Saint-Augustin, dans l'archipel du Goulag, qui consiste à montrer comment je me suis moi-même libéré du mensonge. Alors, les populations de l'Union soviétique et des pays satellisés ont mis 70 ans à se libérer du mensonge. Finalement, le rideau de fer, le mur de Berlin qui tombe, c'est 70 ans de mensonge qui tombe. Et il y a eu plusieurs brèches quand même dans le glacis soviétique. Il y a eu la Pologne en 70, il y a eu la Hongrie en 56, il y a eu la Tchécoslovaquie, Prague, hein, en 68. Puis après, il y aura Gdansk en Pologne. Et puis, il y a l'archipel du Goulag. Est-ce que l'archipel du Goulag peut être considéré comme l'une de ces coups de boutoir donnés dans l'histoire contre le système soviétique ? Au même titre que Prague, que les autres ? Sûrement. Sûrement, c'est j'emprunte d'ailleurs la métaphore au texte lui-même, c'est le cri qui déclenche l'avalanche dans les moments critiques en haute montagne. Mmh. Et il n'y avait pas eu le mensonge tout de suite et pas pour tout le monde. Il faut quand même voir que cette utopie avait fonctionné pour beaucoup de monde. Elle avait fonctionné pour le jeune Alexandre Solzhenitsyn. Donc, il sait de l'intérieur comment cette utopie peut s'emparer d'un être. Et puis, combien d'entre autres, mon professeur et maître et ami Pierre Pascal avait lui-même été un bolchevique français catholique jusqu'à ce qu'il arrive à s'enfuir en mars 1933, sinon son sort était bon, c'est-à-dire mauvais. Vous voyez, les pays satellites, c'est un peu différent. Et ils n'ont pas vécu avec cette même force l'utopie. Encore que, disons, Madame Neumann-Buber, lorsque elle quitte l'Allemagne nazie pour aller en URSS, elle se réfugie en URSS. Elle est une communiste qui se réfugie en URSS. Ils sont très nombreux, ceux qui se réfugient en URSS. Puis ensuite, bon, ils vont au Goulag, parce qu'ils sont forcément des dissidents à la marge, ou même plus qu'à la marge. Et ensuite, en ce qui concerne l'extraordinaire Madame Neumann-Buber, elle est remise aux autorités nazies. Bon, alors, on est dans un système totalitaire, malgré tout. C'est vrai qu'une utopie proposée qui s'empare des êtres, mais qui débouche sur un système totalitaire. Et donc il y a Alexandre Solzhenitsyn qui vient jeter un sacré pavé dans la mare, et il y a une difficulté quand même à appréhender le personnage, en Occident en tout cas, et notamment parmi les pays de gauche. Alors on a entendu tout à l'heure Georges Marchais qui le décrit comme un ennemi du peuple, hein, et un ennemi du peuple qu'il admire, du pays qu'il admire, c'est-à-dire l'URSS. On va écouter l'archive de la première intervention télévisée en France d'Alexandre Solzhenitsyn sur le plateau d'Apostrophe en 75. Il est interrogé par Jean Daniel de Nouvel Obs, qui lui demande sa vision de l'Occident. Que beaucoup de fautes ont été commises dans l'histoire, dans toute l'histoire du monde depuis le XVIIIe siècle, précisément parce qu'on a attaché une importance exceptionnelle au fait qu'on n'avait pas suffisamment de biens matériels, et on a estimé que dès qu'on aura bien rassasié, abreuvé et partagé tous les biens matériels, à ce moment-là, le paradis terrestre sera instauré et tout sera merveilleux. Mais tout l'esprit de mon archipel, de mon œuvre, n'est-ce pas, c'est consiste à montrer que ceux qui sont privés non seulement de nourriture et de vêtements, mais même d'espoir de vivre, eh bien, malgré toute cette privation totale, les hommes peuvent éprouver un immense élan spirituel. Et l'un de mes avis sur l'Occident, à savoir que cet Occident qui est tellement plein de biens matériels qu'il les foule presque aux pieds, comme dans tous les pays d'Occident d'ailleurs, eh bien, tout à coup, les hommes commencent à faiblir dans leur âme, dans leur esprit. Intéressant, c'est une sorte de non-aligné finalement, ni communiste, ni capitaliste matérialiste, puisqu'il critique aussi l'abondance de biens. C'est intéressant d'être... Écoutez, où le placer, j'étais à l'émission sur le plateau avec... ces gens-là Jean Daniel, Jean d'Ormesson, Nikita Struve. Chez Pivot. Hein. La jeunesse et l'énergie de Alexandre Solzhenitsyn était extraordinaire. Si vous voulez, il croyait le coincé. Jean-Daniel, ouais. En lui disant, alors, vous êtes pour le capitalisme, pour le profit, etc. Alors, il a reçu une réponse au-delà de tout ce qu'il imaginait, parce que l'autre lui disait, mais non, je condamne absolument le rassasiement et l'excès de la consommation. Et il faut pas oublier que ça fait partie de ce qu'on peut appeler l'idéologie de Solzhenitsyn, on peut définir son idéologie, qui est l'autolimitation. Nous devons commencer par nous auto-limiter. Alors naturellement, le ZEC, Ivan Denisovitch, il est auto-limité. Oui, sauf il n'y a pas que le choix. Il s'auto-limite un peu plus. Il y a des choses qu'il ne fait pas, comme de lécher l'écuelle. Il ne s'abaisse pas excessivement. Il est auto-limité par l'existence, sa condition de zec. Et lorsque Jean Daniel lui demande « Alors vous êtes pour le colonialisme ?» L'autre a bondi sur son siège en disant « Enfin, bien au contraire, je condamne et nous condamnons tout colonialisme, y compris le vôtre. » Donc là, on a le début de la découverte par l'Occident de ce qu'est Alexandre Solzhenitsyn, c'est-à-dire un type qui n'entre pas dans les cadres, ouais, du tout, et qui naturellement est avant tout un lutteur contre la violence bolchevique, la violence stalinienne, mais plus la violence socialiste, mais qui est aussi un lutteur contre la violence de la surabondance des biens. Donc c'est pas tout à fait, c'est même pas d'ailleurs Nourieff qui lui a fui pour pouvoir danser, exercer son art, hein, c'était pour une quête de liberté personnelle, c'est pas tout à fait Sakharov non plus. Bah, écoutez, d'abord il n'a pas fui, il a été proscrit. Qui? Solzhenitsyn. Oui. Donc c'est quand même... Moi je parlais de Nourieff tout à l'heure. Oui, c'est quand même différent. Ouais. Nourieff a choisi la liberté. Il a fait comme Kravchenko dans son célèbre livre, un ingénieur soviétique, « J'ai choisi la liberté ». Ils ont été des dizaines de milliers à choisir la liberté. Ce n'est pas le cas de Solzhenitsyn. On peut en penser ce qu'on veut, mais lui, il veut absolument rester. Mais il y en a un autre dans la littérature russe, qui a choisi de ne pas choisir la liberté, c'est Boris Pasternak. Pasternak, bien sûr. L'autre prix Nobel, celui d'avant, qui ne décide en définitive de ne pas aller recevoir son prix Nobel.